Le deuxième élément important dans l'enjeu du principe de vérité en journalisme, c'est cette affirmation d'une relation qui passerait par l'objectivité. Et donc vous avez, alors là je vais assez vite, hein, vous avez déjà vu ça, j'espère bien, dans votre carrière. Deux textes, hein, il y a un texte de Bernard Réalforce et un autre texte de Éric Lalliot qui ont vraiment travaillé cette notion d'objectivité. Et donc pour Delforce, il y a trois manières d'aborder l'objectivité, c'est de tout dire, ou l'évidence comme fondement du rapport au réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors Delforce, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a fait une analyse sur la façon dont le public croit ce qui est dit. D'accord? Donc le rapport à l'objectivité, l'objectivité étant le moyen qui perceptible de la vérité que dit le journaliste. D'accord? L'objectivité, c'est de dire quand un truc il est vert, et eh bien il est vert. Et quand lui il est malade, il est malade. D'accord? Et donc ces trois façons d'envisager l'objectivité, c'est le premier élément, c'est mais c'est évident. D'accord? On n'a pas à être objectif, le journaliste il est objectif parce que ce qu'il dit est évident. C'est évident si le journaliste raconte le déraillement d'un train, que le train a déraillé, c'est, voilà, c'est évident parce qu'on a les photos et on voit ça. L'autre façon d'envisager l'objectivité, c'est cette question de la transparence. Et donc c'est de dire la vérité ou la transparence comme fondement du rapport au langage. Et donc on va, en tant que lecteur, considérer que le journaliste est objectif parce que il nous raconte la façon dont il a procédé, exactement au bien. Ovna, elle vous raconte que dans le cas de Wistreham, elle est là, vous êtes obligé d'accord, hein, elle est là, elle vous raconte ses copines, parce qu'elle s'en fait au fur et à mesure, elle vous raconte les bateaux, elle vous raconte qu'elle n'y arrive pas à nettoyer en moins de 2 minutes 15. Et donc tout ça, c'est cette question de la transparence, elle vous dit bien dans le livre qu'elle est journaliste, qu'elle est undercover, enfin bon, qu'elle essaye de devenir femme de ménage, exactement comme dans La Méprise, où elle vous dit... cette question de la transparence, c'est elle tente de vous dire qu'elle a fait des entretiens, qu'elle a eu accès à l'ensemble du dossier, etc. Et donc elle est transparente avec vous. Et c'est une des manières d'être objectif, ou de paraître objectif. Troisième façon de paraître objectif, c'est cette question de la neutralité ou de l'innocence, comme fondement du rapport à la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste va être perçu comme étant plus objectif s'il est neutre. Et donc, ça renvoie à cet ethos dont on reparlait, hein, de mise à distance de soi-même, c'est-à-dire d'effacement du journaliste dans sa production. Plus le journaliste est effacé, plus il paraît objectif. D'accord? Donc, c'est des façons de présenter l'objectivité, et tout ça, ça a des rapports avec la façon dont le journaliste est cru. D'accord? Parce que prétendre dire la vérité, et moi, je peux toujours prétendre dire la vérité. Le plus important, c'est que vous soyez en mesure de me croire. D'accord? Et donc, l'objectivité, ici, telle que c'est présenté par Delforce, c'est un moyen pour le journaliste d'être cru par son public. Et c'est ce que disait Isabelle, ce à quoi Isabelle Noël faisait référence tout à l'heure, c'est le contrat de lecture. Si vous commencez à prendre un journal et vous ne croyez plus du tout ce qu'il vous raconte, on a un véritable problème d'accès au réel et d'accès à la vérité. Autre façon d'envisager l'objectivité, c'est de dire deux choses. Plus les journalistes respectent des règles de distanciation en procédant à une traduction, c'est-à-dire en procédant à une utilisation de techniques qui vont nous permettre de raconter le réel, plus celle-ci a de chances de résister à des critiques sur son manque d'objectivité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, en tant que journaliste, un ensemble de règles de distanciation. Et alors, ça revient à dire, j'ai des documents, j'ai des témoins, j'ai raconté ça parce que j'y étais, je vous raconte ceci parce que j'ai trouvé des documents ou parce que j'ai un rapport à une source particulière, etc. Donc vous avez des règles comme ça de distanciation. Et puis, vous avez aussi certains formats de diffusion qui augmentent les chances des journalistes de respecter les règles de distanciation, ce que Lalliot appelle des formats d'objectivité. Donc les formats d'objectivité, c'est évident que si on compare le journalisme d'investigation et la question de l'enquête à du journalisme plus narratif et du bonzo-journalisme, on va avoir le format d'objectivité plus facilement, on va le voir plus facilement dans du journalisme d'investigation que dans du bonzo. Ou éventuellement, si le gars il est complètement défoncé à plein de drogue, on peut avoir juste parfois des petits doutes sur ce qu'il est en train de nous raconter. Ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas la vérité. C'est juste qu'on aura des doutes par rapport à ce que Lalliot appelle des formats d'objectivité. Donc, je ne veux pas passer du temps à... Il faut juste vous rappeler qu'à chaque fois, dans les débats sur la question du journaliste, que ce soit d'investigation ou narratif, se pose la question du rapport au réel, du rapport à la vérité. En se posant la question du rapport à la vérité, on se pose la question du rapport de cette objectivité qui est, on va vous le dire, qui n'existe pas parce qu'il n'y a que de la subjectivité, mais quand même, un des socles du journalisme, c'est quand même de paraître vraisemblable, de faire en sorte qu'on croit à peu près ce que le journaliste est en train de nous dire, y compris dans des formats narratifs comme le livre, la méprise, y compris comme Kelly Wistreham, etc., etc. Troisième élément, c'est que, et là je vous l'ai dit depuis le départ, tout est lié, hein, c'est que le journaliste, eh ben, il utilise des procédés, il utilise des principes, des procédures de construction, de mise en scène, de narration. Et toutes ces procédures-là rentrent aussi dans le rapport entre journalisme et vérité, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez le croire? Est-ce que vous racontez la vérité? Et comment on fait pour croire ça alors qu'en même temps, le journaliste y met en scène une information? C'est ça le vrai débat. C'est qu'on est dans une espèce de débat très compliqué entre la question de la vérité, la question de l'objectivité et la question des mises en scène, c'est-à-dire des procédures journalistiques qui font que, eh bien, on a des angles, on a des genres, on a une trie, un habillage, on hiérarchise l'information, il y a des identités et des lignes éditoriales, qu'on a une écriture particulière, un style et des choix narratifs, et qu'on peut utiliser des principes. Et là, je vous liste quelques principes. On peut, dans le journalisme, utiliser des principes de reconstitution, des effets de réalité, des principes de véracité, des principes de vérité, des questions d'imagination, des principes d'authenticité, des principes d'évocation. Je vous les liste comme ça, bing bang, parce qu'en fait, on vous fait faire un petit exercice vite fait pour essayer de comprendre sur Cache Investigation. Alors, on vous dit la vérité, hein, Madame Murray et moi, on n'est pas fans. Mais c'est de l'investigation qui fonctionne très bien et qui, du coup, utilise un ensemble de procédés qui... Et regardez ce court extrait en vous disant, OK, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour nous faire nous embarquer dans l'histoire, nous faire croire que c'est vrai et nous faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Regardez. Des gouvernements européens. Aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute. Fumer, c'est mal. Vous en êtes libre, pourquoi choisir d'être indépendant? Et à la fin, on le sait, une fois... Pardon, je fais juste une pause. Donc, ce que je vous demande de regarder, c'est tous les procédés. Donc, vous voyez, ils viennent de mettre une cigarette, ils sont en train de dessiner, ils ont mis autre chose. Donc, c'est ces procédés-là qui sont intéressants. À regarder. Sur deux, on en a. Pourtant, nous, ce qui nous a surpris, c'est que les bénéfices de l'industrie du tabac ne font que grimper, grimper, grimper. Pour vous donner une idée, en 2012, les bénéfices cumulés de l'industrie du tabac étaient de 39 milliards d'euros. Des bénéfices qui dépassent ceux de McDonald's, Microsoft et Coca-Cola réunis. Il y a comme un truc, non? Ils sont forts, ces cigarettiers. Ce truc, on l'a découvert, et on va vous le raconter. Si vous aussi, vous êtes un industriel sans scrupules pour la santé de vos clients, bougez pas, ça peut vous intéresser. Voici le petit manuel secret du vendeur de tabac. Chapitre 1. Apprenez à contrôler votre député. La première à avoir découvert ce document secret, c'est Florence Bertelletti. Un jour de juillet 2013, cette militante anti-tabac reçoit dans sa boîte aux lettres un dossier confident appartenant à la firme Philip Morris. 600 pages qui n'auraient jamais dû finir entre ses mains. À l'intérieur, toute la stratégie secrète du géant du tabac pour influencer les autorités politiques européennes. Philip Morris, c'est le leader mondial de la cigarette, la plus rentable des entreprises du tabac cotées en bourse aux États-Unis. Sa marque phare, Marlboro, est en tête des ventes partout en Europe. Florence Bertelletti a passé des nuits entières à éplucher chacune de ses informations hautement sensibles. Pendant une année, nous avons également décrypté ces documents. Dès les premières pages, l'intention du cigarettier ne fait aucun doute. C'est écrit en toutes lettres. Objectif, bloquer les mesures européennes de santé. La preuve noir sur blanc, on disait, ça fait depuis très longtemps qu'on disait que si vous voulez retarder la directive, c'était la stratégie. Là, c'est écrit noir sur blanc. Retarder la directive, c'est leur objectif numéro un. Parce qu'ils n'ont pas l'argument. C'est très simple, l'industrie du tabac, la seule chose qu'ils ont, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de lobbyistes, et ils connaissent extrêmement bien le processus législatif. Une des choses les plus incroyables que j'ai découvertes, c'était le nombre de lobbyistes qui travaillaient sur ce dossier. 161 lobbyistes. 161 lobbyistes pour influencer les élus européens. Avec une seule mission, les convaincre de ne pas adopter une directive trop sévère contre l'industrie du tabac. Une directive, c'est l'équivalent d'une loi qui s'applique pour les 28 pays membres de l'Union européenne et ses 500 millions d'habitants. Le packaging, le format des cigarettes, les arômes, le type de publicité, cette directive sur les produits du tabac réglemente tout ce que nous voyons chaque jour chez nos buralistes. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans cet extrait qui vous permet d'analyser la façon dont ils veulent vous embarquer pour les croire? Je fais ça comme première question. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui. Mais en fait, il lit ce qu'ils disent avec ce qu'on voit. Et du coup, ils appuient un peu inconsciemment leurs propos sur ce qu'on peut voir avec leurs images. Oui, alors quelles sont les images qu'ils utilisent? Ils utilisent plusieurs types. Il y avait des dessins animés, à un moment, il y avait juste une cigarette comme ça qui tournait. Il y a des vidéos avec des consommateurs. Il y a une pub aussi à un moment donné. Oui. Et à quoi toutes ces... Bon, il y a des images réelles, il y a des images dessinées, il y a des dessins animés, etc. À quoi ça leur sert? Après, enfin, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais le procédé... justement, j'étais dans le cours histoire du film documentaire, et c'est un peu le même que Michael Moore, c'est exactement la même chose dans ses films. Et du coup, je trouve ça un peu choquant de voir ça dans un reportage qui est censé être quelque chose de journalistique. Que c'est un peu une manipulation entre guillemets aussi. Alors en quoi ce serait une manipulation? Parce qu'ils nous font passer un message, mais c'est pas. Enfin, je trouve que c'est pas appuyé, ils ne disent pas clairement. Je trouve que les images, elles n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'au début, ça commence un peu cash, justement, en mode. En te montrant des images de cigarettes partout, en nous disant le tabac, tout le monde le sait, c'est mal. Ça, c'est un peu pour poser un peu la base, en mode nous on part dans cette idée là, le tabac c'est mal, il faut lutter contre, et coup, à partir de là ils gagnent leur légitimité pour pouvoir justifier tout le reportage qui se passe, ou du coup après on passe dans quelque chose d'un peu plus réel, où on va suivre, on va se retrouver à Bruxelles, on sait où on est, on va suivre une personne qui fait un peu figure d'autorité parce que c'est une des premières à lutter contre l'industrie du tabac. On va la suivre, on va se retrouver dans un bureau de tabac, on va nous parler du packaging et plein de choses qu'on connaît. Et de voir que derrière, il y a quelque chose, il y a ce chiffre, 161 lobbyistes, c'est très précis. Donc comme ça, on se retrouve d'un seul coup. On passe d'un choix de subjectivité à quelque chose de beaucoup plus objectif. Comme ça, on évolue petit à petit. Et le choix de subjectivité, les subjectivités dans le choix de la thématique ou dans la façon dont il l'aborde? Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur. En fait, ils disent une vérité, mais ils disent pas toute la vérité non plus. Enfin, ils disent leur partie à eux, et j'ai l'impression que ce qui les intéresse à eux, pour appuyer leur sujet. Vous leviez la main. Ouais, moi, c'est plus. Là, c'est sur le fond, mais moi, c'était plus sur le packaging que je voulais intervenir. C'était des penses. Nous, quand on a fait notre reportage à RTB, moi personnellement j'aurais bien voulu aussi mettre quelque chose d'accrocheur comme ça avec plein de plans séquences. Et là les plans séquences, enfin les plans aussi parce que c'est dur en fait, mais... là il y a plein de plans séquences, la musique était rythmée là-dessus, et ça donnait une certaine rythmique, genre comme notre cœur un peu qui accélérait au rythme de la vidéo, et je pense que c'était comme l'introduction. Et juste après, on doit commencer après sur une musique plus pente avec des sons plus longs, des images un peu plus longues, peut-être aussi des conséquences un peu plus longues. Enfin, c'est comme ça joue un peu, je trouve, la publicité avec la neuropsychologie publicitaire. En fait, ça développe des hormones dans notre cerveau qui tiennent accrocheurs du. C'est une des volontés de Cache Investigation quand il démarre à chaque fois qu'il démarre une émission, il y a un processus de scénarisation qui nous font. Vous avez bien vu la différence de niveau de discours entre le début avec la pub, la cigarette, etc. Et à un moment même, le débit de la voix change et le ton change au moment où les images réelles de Bruxelles arrivent dans la narration. Et c'est une procédure d'attractivité du public et de justification aussi, vous avez raison, de justification du choix de la thématique. Vous voulez dire ? Bah juste aussi pour accrocher, ils n'utilisent vraiment que des images connues, quoi. C'est un univers. Parce que la pub sur la cigarette, on l'a tous vu, la fusée qui monte, enfin, c'est des images qui parlent à tout le monde, quoi. Du coup, tout le monde se sent pris dedans. Et puis le top secret, c'est limite un peu cliché, quoi. Mais et là, on est dans la Todorov. Si vous appliquez Todorov à ça, vous avez quoi ? Et il y a vraiment les évolutions. Moi, ça peut revenir au tapis. C'est assez attractif, effectivement. Et en même temps, c'est un peu ludique parce que moi, personnellement, un reportage, il commence et on ne parle que de chiffres, que de trucs un peu plombants. Forcément, les gens décrochent. Et là, en mettant des images que tout le monde connaît, des paquets de cigarettes, des publicités et tout, forcément, ça va peut-être. Le public va être un peu plus. Va accrocher, en fait, avec ce qui va suivre. Mm-hmm. Donc, voilà. Le fait d'accrocher avec le public, etc. C'est la vérité adéquation. Et puis il y a la vérité adéquation, et après, qu'est-ce qu'il fait au moment où on montre les images et au moment où il montre la source, il nous embarque dans la vérité dévoilement. Oui. Et c'est ce processus-là. Après, les deux peuvent. Après, ce que vous disiez, moi je préférerais, comme je suis prof de journalisme, ce genre de truc avec des fusées, des machins, des trucs, moi j'aime pas parce que ça c'est très. C'est très personnel, ou ça me dérange que sur un reportage sur le lobbying des cigarettiers, on prenne ça sur ce ton-là. Oui, maman, c'est un peu pareil, et du coup, ils balayent un peu tout, et c'est un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, mais en fait, après, ça, c'est la ligne éditoriale avec laquelle on peut être pas d'accord. C'est pour ça que je vous prévenais au début. Il est même vrai, et moi, on n'est pas très à l'aise avec Cache Investigation. Parce qu'il y a une façon de présenter le journalisme d'investigation qui est une façon ludique. Et du coup, voilà, de temps en temps, ça nous dérange un petit peu parce qu'il y a des choses, juste de temps en temps, ça peut être servi aussi. Quoi. Et qu'on pourrait faire tout à fait cette vérité à des questions en étant moins dans le. C'est dessous, je ne sais pas si c'est le sens du bois. Ou alors ils se représentent le fait que ça plaise à une partie du public. On les aime aussi faire ça, c'est une question de tous aussi. Et donc je vous ai mis sur tout ce qu'on peut voir, en fait il y a tous les principes, il y a le principe de la reconstitution, tous les principes qui sont utilisés dans cet extrait-là, il y a le principe de la reconstitution, il y a un faux décor, il y a une mise en scène, il y a des effets de réalité que vous avez pointés, hein. Il y a une vraie publicité, il y a des images réelles, il y a Bruxelles, il y a des députés, etc. Il y a aussi cette déchet dévoilement quand il dit le carnet, c'est secret, donc c'est dans une commode, ça c'est de la reconstitution, c'est pas vrai, hein. Du coup c'est de la reconstitution, et c'est pour raconter quelque chose de vrai, qu'il y a un secret, qu'il y a le carnet, et fait de réalité, c'est montrer sa source, on montre son visage à la femme, et c'est très important dans l'investigation de ne pas avoir tout le temps des sources anonymes, qui sont un peu de problème. Le principe de véracité, c'est que vous avez un document confidentiel, et on voit qu'elle le consulte, qu'il y a même des post-it sur dans le dossier. Le lieu d'entretien est aussi important. On voit, beaucoup l'avoir rentré dans sa voiture, et on voit qu'elle est dans un lieu qui peut être de près chez elle. Il y a un lieu qui est le principe de véracité, c'est-à-dire qu'on la voit en entretien. Ce n'est pas une voix transformée au téléphone. La rhétorique de la preuve, quand ils disent c'est écrit, et là on voit que c'est écrit, on voit qu'il y a des documents. Et puis vous avez aussi tout le recours à l'imagination des journalistes et des gens de cache investigation qui vont utiliser justement l'évocation par le dessin, l'illustration, le dessin animé, les machines à sous, etc. Le principe d'authenticité, c'est de montrer quand une œuvre, les photographies de McDo, etc. Et du coup, ça illustre, voilà, avec le panneau aussi, vous-même, vous avez plein de ces principes-là. Et puis, vous avez aussi des vocations un peu dans l'imaginaire, du magicien, du esther, etc. Et donc, on en fera plusieurs au fur et à mesure du cours, parce que ce genre d'analyse, vous verrez qu'à la fin du cours, vous saurez, à partir d'un extrait, que ce soit en vidéo ou écrit, vous saurez commencer à analyser les principes. Là, ce que vous pouvez déjà faire, c'est analyser l'éthos à l'intérieur de cet extrait, analyser quelques principes narratifs ou d'investigation, et puis maintenant essayer de comprendre le rapport que le journaliste essaye de construire à la vérité, à la réalité. D'accord ? Et c'est ça qu'on vous demandera à la fin en examen, d'être capable d'analyser ce genre d'extrait. Et donc la vérité, on la voit aussi avec Madame Leray. Il y a une très très chouette interview que vous trouvez sur Times Talks où ils expliquent un peu ce qui leur est arrivé. Et ils n'en démordent pas, pour eux, ils ont fait un travail sur la vérité, leur reportage était vrai. Le gros problème de cette histoire, si vous connaissez un peu le contexte, c'est qu'au moment de la démission de Bush, ils ont eu des documents, soi-disant des vrais documents, prouvant que Bush aurait bénéficié davantage et n'aurait pas dû se rendre à la guerre du Vietnam quand il était jeune. Donc, ce sont des documents qui, en fait, Bush a été avantagé, qui n'a pas fait son service, qui n'a pas été employé au Vietnam. Ils ont cru dur comme fer à cette histoire, ils étaient convaincus que ces documents étaient vrais. Et le problème, c'est que CBS n'a jamais pu prouver, finalement, que ces documents étaient vrais. En fait, ils avaient été photographiés d'une machine qui n'existait pas à l'époque. Voilà, on a pu se dire que ce document n'était pas un vrai parce que la technique utilisée n'était pas opérationnelle au moment où ce document était produit. Et en plus, un témoin leur a menti, donc ça n'a pas arrangé les affaires. Alors, Dan Ward, c'était une institution, hein, c'est une institution de CBS, un journaliste extrêmement respecté, encore aujourd'hui, il s'exprime pas mal dans les médias, justement un peu au milieu d'alternatif. Certains me disent que c'est peut-être pas le moment de parler. Lui-même a eu quelques problèmes avec un éditeur. Mais sa carrière, il a arrêté, donc il a démissionné, et Mary Mapes, elle a été licenciée de la CBS. C'était un coup énorme pour cette chaîne de télévision qu'on a pu imaginer, puisque voilà, c'était un scandale qui pouvait carrément compromettre le résultat de l'élection. Et finalement, on a bouché à passer. Et voilà, c'était surtout une grossière erreur. Par rapport à la vérité, mais le film s'appelle Truth parce que il persiste ici en disant que tout reportage que vous faites, leur récit était vrai. Simplement, il y a eu un problème avec la production de cette preuve. Alors, est-ce que vous avez vu le film? Pas encore eu l'occasion? Non? Alors, peut-être que. Je sais pas, quelqu'un a vu le film? Vous en avez pensé quoi? Du point de vue de vous en tant qu'étudiant en journalisme? Les critiques étaient très mélangées. Hein. Par exemple, The Atlantic a projeté le film comme étant une très mauvaise journaliste. Mais bon, vos avis nous intéressent. Je ne sais pas. Sur le film en tant que tel ou ce qui est le message derrière? Alors, sur le film et sur la pratique de journalisme. Parce que le film, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça très cliché et assez mal. Enfin, par rapport à Spotlight qui était bien mieux. Oui, Spotlight. Mais voilà, sinon, au niveau du contenu. Je sais pas, j'aurais préféré le lire à la limite, parce que ouais, le film était ennuyant, je trouve. Et c'était ennuyant, pourquoi, justement? Bah, justement, parce qu'en fait, tous les dialogues sont assez clichés. n'y a pas de suspense bien mené, on n'est pas vraiment pris dans le jeu, en fait, on n'est pas à côté des journalistes. Dans Spotlight, on les suit tout le long de leur enquête, on est vraiment un peu stressé comme eux et tout, et dans Truth, c'était vraiment pas... Enfin, je me suis pas identifié avec eux, j'ai pas suivi leur histoire, j'étais... Enfin, voilà. Et sur le fond, bon, après, ça, c'est plus intéressant à la limite, mais j'avoue que j'avais... Je sais pas. Sur le fond de l'affaire, c'est assez atroce de voir comment ils s'embourment dans le truc et de voir que c'est difficile de faire triompher la vérité, quoi, en soi, mais... Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire en soi. Moi, je trouve que c'était intéressant que toute leur enquête ait pu être cassée juste parce qu'une preuve n'était pas assez réelle, quoi, soi-disant. Et ouais, c'était un peu choquant que toute l'équipe a été virée. Non, je crois que... Comment vous m'expliquez ? Si vous aviez une explication de vous à donner, vous me dites que c'est choquant. Alors, pourquoi c'est choquant et pourquoi ça ne le serait pas ? D'un côté, je comprends du côté des CUS qu'ils doivent montrer au public que ce n'est pas acceptable qu'on montre quelque chose qui n'était pas vrai, qu'ils n'ont pas fait leur boulot de journaliste. Pourquoi ça n'est pas acceptable au CUS ? C'est une question de quoi, à votre avis ? De crédibilité. Ouais. Bah, surtout que là, c'était leur émission phare, donc du coup... C'est ça qui portait un peu. Alors le fait que eux se trompent, ça décrédibilise vraiment toute la chaîne. Alors se sont-ils trompés, c'est la question. Ah oui. Bah, du coup, moi j'ai pas vu le film, mais si je compare aux hommes du président, qui au final est un peu dans la même idée, qu'on s'attaque quand même à la fin au président, dans une période charnière où il doit être élu, réélu. Et dans ce film-là, par exemple, on voit que jusqu'à la dernière minute, on les accuse de mentir, de ne pas avoir les preuves qu'ils avancent, et au final, pendant très longtemps, ils sont pénalisés avant que, à la toute dernière minute du film, la vérité éclate, et d'un seul coup, ce sont des héros, mais jusqu'à la dernière minute, ce sont des gens qui calomnient, qui ont un agenda contre le... une motivation contre le président, et enfin, contre son cabinet. Ça peut jouer à très peu de choses, juste à une seule preuve, une personne qu'on arrive enfin à montrer, parce qu'il faut une source officielle, pas une source anonyme qui vient de nulle part. Donc, c'est juste une question de donner des arguments à la partie adverse, et surtout quand la partie adverse, du coup, c'est une institution, le président, la Maison Blanche. C'est juste. Non, j'avais vu, ça m'a rappelé l'histoire sur les vieux problèmes qui ont lieu des sites constructifs, des journalistes, des machines, des choses à la mode pour l'instant partout, et qui est en plus appuyé par les politiques. Et donc, on dirait qu'il y a toujours une recherche de démontrer que ce qu'il dit, c'est pas vrai, comme si ce qu'il faisait, c'était contre les gens, alors qu'à la base, c'est un métier qui est 100% envers la politique. Ah bon. Il y a un clair. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On a cours après, on peut voir ça. D'accord, pardon. J'avais parlé, et je voyais un truc qui s'en fait. Ça, évidemment, j'arrête. Parce qu'on n'a pas trop ça. Vous aviez parlé, et ça, c'est beaucoup d'être. Non, mais c'est juste qu'il y a quelque chose aussi, tout simplement plus simple, c'est quand on s'attaque à un gros poisson, les rapports de pouvoir. Enfin, maintenant, le journalisme est de moins en moins détaché de la force politique. Et le rapport de pouvoir, il était disproportionné. La foule de journalistes qui, par sabots, étaient des points dans leur domaine, ils se sont attaqués au président, et quand on s'attaque à quelqu'un d'hyper puissant, ben, on peut tomber. On n'est pas parfait. Donc, c'est pareil pour Fillon. Non. C'est un peu la même chose avec Spotlight, pour ceux qui l'ont vu. C'est Spotlight qui s'attaque à l'église. Toi, il y a aussi une très grosse institution. Mais je sais pas, ça pose question quand même de se dire que tout le temps les gens se mettent du côté des politiques et, alors que les journalistes essayent souvent de montrer qu'il y a pas mal de magouilles et tout, malgré tout les gens vont plus pencher vers les politiques et dire que les journalistes leur mentent et qu'ils essaient de les manipuler. Et c'est une question un peu étonnante, pourquoi ça, ça fait des années que c'est comme ça. Et... Je trouve que c'est de plus en plus récent aussi. Enfin, justement, c'est un peu ce qui se passe avec Trump, justement. De dire que voilà, c'est les journalistes qui sont un peu contre les politiques. Enfin, c'est vrai que c'est un peu ça. Oui, aux États-Unis, c'est pendant la guerre. Oui, oui. Pour Trump, la presse, c'est son parti d'opposition. En fait. Oui, oui, mais enfin, ils ont. Je veux dire, ils disent beaucoup de choses dans leurs journaux, des faits, et les gens disent non, c'est faux. Enfin, ces faits-là sont faux, ils disent même pas par rapport à l'opinion, ils disent que des faits sont faux. Comme par exemple, quand on l'a vu pour l'Inauguration Day, oui. Ils disaient que non, il y avait jamais autant de monde à une inauguration. Oui, et puis on a même des preuves, des mensonges sur mensonges. Il y a des choses très graves aussi, comme par exemple Stephen Bannon, qui encourageait les gens à trouver des vidéos où on voyait des signes de faiblesse chez Hillary Clinton. C'était vraiment une incitation pour tout le monde de chercher des vidéos pour prouver qu'en fait elle avait des signes. Donc c'est vraiment une incitation à trouver des... On se met à scruter n'importe quelle pièce à conviction, pseudo-pièce à conviction. Et là, ce sont les politiques qui demandent aux gens d'intervenir. Donc c'est très important. Et en l'occurrence, en plus, c'est toute cette logique de recherche de l'humain, c'est la logique de la recherche de la preuve. Il va dire que l'autre a tort, et donc il va mettre en avant sa propre vérité. Et par ailleurs, il y a un amalgame absolument incroyable sur le contour de cette ligne, c'est qu'il faut absolument distinguer dans The Truth, c'est pas une fake news, c'est une émission 60 minutes qui, à un moment donné, n'a pas la preuve pour attester de la validité de ce qu'il annonce. Ça, c'est un élément. Un autre journal peut se tromper. C'est une erreur. Il y a des erreurs, on les corrige. C'est pas une fake news non plus. Les fake news, c'est normalement une information qui est produite à des fins de propagande et qui, du coup, instaure une vérité particulière. Et là, en fait, dès que maintenant un journal se trompe, on l'accuse de faire des fake news, etc. Alors qu'en fait, le principe, il repose sur la représentation de la conception qu'on a de la vérité et de la preuve que l'on apporte. Mais donc en fait, la différence que vous faites entre fake news et une erreur ou quoi, c'est simplement la volonté qu'il y a derrière, quoi. Ouais. En plus, il y a une intention de manipulation et de déformation de la vérité. C'est quand il y a un site qui a annoncé, ça a circulé partout, le pape qui donnait son soutien à Trump. Et le fait est que c'était volontairement réalisé avec une idée derrière de rassembler les chrétiens derrière Trump. C'est qu'il y avait une volonté, qu'elle soit politique, en tout cas une volonté idéologique derrière. Le fait de dire qu'il y a des faits accumulatifs, hein, c'est de la propagande. Parce que plein d'hommes ou femmes politiques faisaient pour instaurer des dictatures, pour établir la dictature de la mort. C'est ce qui se passe au public. On dit actuellement, si je prends un exemple de la c'est il y a une production de fake news constante par le gouvernement, de propagande. C'est un effet plus. C'est en fait de la propagande. Retourner au cours de Madame Dijonto, du coup, elle a une importance de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas aussi une autre conséquence de fake news, autre que la propagande, ce serait aussi de semer le doute et de justement questionner la véracité des journaux. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec des lecteurs qui, même en lisant un journal qui est quand même une tête de compte ou autre, va se poser la question de est-ce qu'ils ont vraiment vérifié, parce que j'ai lu ça, j'ai cru ça, je sais plus où est la vérité. Et justement, il y a soit une baisse des standards de la part des lecteurs, ou justement, on va se retrouver avec d'autres qui vont demander à tout vérifier. Donc c'est pas une conséquence qu'on voit par exemple dans Spotlight, où là, ils ont vraiment besoin de montrer par A plus B avec toutes les archives, ils ont vraiment besoin de ce truc de recherche, et on leur demande justement de cacher la vérité, parce qu'on sait que ça... Enfin, à l'époque, il y avait encore une crédibilité, maintenant ils en ont moins dans moins, mais quand même, enfin, soit beaucoup, sûrement. Enfin, oui, c'est vraiment un jeu qui varie, parce que le New York Times, par exemple, a sorti une publicité, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Truth. Et c'est tout ça, je pense, sur YouTube facilement, et vous voyez, en fait, ils redéfinissent ce qu'est la vérité. Et bon, quand même, il faut qu'on attaque. Voilà, venez voir les vrais journaux qui veulent vous parler de vérité, d'authenticité. Et c'était un clip de quelques secondes, mais qui est absolument magnifique parce qu'il résume la situation du monde. Et le New York Times se défend parce qu'ils sont vraiment à la ligne de mire de Trump qui les accuse. Hein. Ils ont fait fake news. Enfin, il y a une, la dernière référence de presse qu'il a faite la semaine dernière. La manière dont il s'adresse aux journalistes est incroyable. Une infantilisation, une insulte permanente. Dans un rôle de monde, évidemment, Internet et les réseaux sociaux amplifient tout ça, puisqu'on a des contre-récits qui viennent alimenter ces grosses machines à produire des histoires. Mais vous avez parfaitement raison sur le doute, hein. Et ça alimente complètement le relativisme. C'est-à-dire qu'on peut, alors on va croire les journaux, on croit que les politiciens, on croit plus rien, on croit que aux États-Unis, il y a des gens créationnistes, il y a certains qui croient que la planète est plate. Après, c'est aussi, en étant positif, ça pourrait être aussi l'occasion pour le New York Times comme pour d'autres journaux, c'est l'occasion pour les journalistes de reconstruire ces matériaux, pour essayer, dans la logique de transparence, dans la logique de la preuve, essayer de reconstruire une crédibilité auprès des lecteurs. C'est le New York Times qui a gagné genre 200 000 abonnés en très peu de temps. Par ailleurs, pour ceci, cette. Certains médias essayent de développer la question de l'éducation des médias. Vous avez vu que Le Monde a mis en place son outil qui s'appelle le déconnecte. Ça crée tout un débat parce que Le Monde fait confiance à certains sites de plus ou moins fiables. Donc ils ont mis pastille rouge pour compte fiable, orange, bof, et vert, et fiable. Évidemment, le Figaro, l'idée, etc. sont des sites en vert. Ça crée un débat, mais n'empêche que c'est intéressant. À un moment donné, un journal papier de référence se met à faire de l'éducation média. Vous avez vu aussi que Google, avec Facebook et avec certains médias, se sont mis à aussi s'investir, en fait, à passer à l'action dans ce débat-là, qui est un débat autour de la crédibilité du journal et des médias. Et c'est aussi un débat à entrer dans l'action pour essayer de lutter contre un relativisme généralisé. Quoi. Parce que si on ne croit plus, si on ne peut plus croire en rien, c'est compliqué la vie. Il y a eu un bond quand même, ou en arrière, je ne sais pas, mais avec la démocratie. Très avant, vous croyez quand même en une certaine autorité même intellectuelle. Quand certaines personnes disaient certaines choses, c'était quand même, il y avait une crédibilité. Les personnes avaient sur des fausses peut-être intellectuelles. Et c'est vrai que pour vous, quand on débarque sur tout, sur la question de c'est même une évolution. Mais c'est vrai que le journalisme narratif, c'est une belle réponse aussi, parce que c'est un varié justement du film Spotlight, en parlant un peu d'artisanat. C'est du journalisme presque d'artisan, on les voit téléphoner, aller rencontrer personne par personne. C'est du journalisme au long cours, où on prend le temps d'aller voir les gens, de vérifier. Et ça ramène de la vérité. De la vérité parce que ça, plus on passe de temps avec des sources, plus on, plus on va produire un journalisme de qualité. Et vous avez vu dans Spotlight, pour ceux qui l'ont vu, par comment ils passent, qu'est-ce qu'ils font, j'en avais parlé, je croyais pas, genre, qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue pratico-pratique pour établir leur listing. On veut le résumer dans toutes les archives et une par une avec tous les codes, avec des marqueurs, ils ont dû eux-mêmes faire leur référentiel en fait. Et eux-mêmes faire leur base de données et eux-mêmes, ils sont. La logique de la preuve, elle est fondamentale. Aussi, ils ont justement différentes sources, enfin, ils n'ont pas que par exemple, de l'écrit ou que des témoignages, ils ont vraiment différentes personnes, ils ont aussi un expert, un ancien prêtre qui est devenu plus ou moins psychologue par rapport à ça. Et du coup, je trouvais super intéressant justement la manière dont ils montrent, enfin vu que c'est une grosse institution, que c'est l'Église, ils ont besoin d'avoir vraiment du matériel qui prouve la vérité, quoi, de ce qu'ils avancent. Je vous ramène un peu à la littérature. Chez Platon, c'est une perception plutôt négative. Vous avez entendu parler du mythe de la caverne, où l'homme ne peut pas avoir accès direct aux idées et il n'en voit que des représentations. Il voit des ombres sur la paroi qui lui donnent une idée de ce qu'est la vraie réalité. Donc, on est juste dans un contexte ici de simulacre, hein, la mimésis dans le contexte de Platon. La mimésis, c'est un échec de la connaissance puisque vous n'avez pas un accès direct à celle-ci. C'est toujours une représentation et donc c'est un simulacre parce que c'est déformé en quelque sorte. Donc, c'est plutôt une interprétation négative puisque la connaissance est biaisée. On n'a pas un accès direct et ce simulacre ne nous donne pas vraiment une connaissance complète de cette réalité. Par contre, chez Aristote, le concept il est plutôt positif parce qu'il est pratique. On n'est plus dans une observation spéculative, mais plutôt dans une action. C'est-à-dire que chez Platon, on part du poétique, qui en grec poideïn veut dire action. En fait. Poétique veut dire action. Et donc ça veut dire que avec la poésie, vous allez produire quelque chose de pratique qui va aider les gens à interpréter la réalité et à agir. Quand vous voulez en dire. Dans une dynamique tout à fait différente. On n'est plus dans une contemplation, mais dans un processus de création, où on va pouvoir transformer la réalité et surtout provoquer des émotions chez les gens qui, eux, vont pouvoir également agir. Donc c'est une attitude beaucoup plus pratique et positive. Donc voilà, c'est une petite réflexion sur la manière dont on représentait le réel auparavant. Alors, bon en avant, puisqu'on arrive dans les années 60, avec le fameux effet de réel de Barthes, et qui bon, rejoint un petit peu ce qu'on a dit aussi sur Todorov, sur le constructivisme. Grosse méfiance par rapport au langage. Le récit est un spectacle. Il n'est pas mimétique, c'est une aventure du langage. Il y a dans les années 60 et 70 ce qu'on appelle un tournant narratif, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et donc, on se rend compte que le récit, ce n'est pas vraiment la réalité. Le récit, c'est avant tout du langage. Il est l'aventure du langage. Le langage transforme cette réalité. C'est un obstacle entre la réalité et le lecteur. Donc, le récit peut nous aider à comprendre le monde, à lui donner du sens, mais il faut aussi s'en méfier. Barthes, c'était dans les années 60, et ça rejoint ce que Florence Lucan disait tout à l'heure, que c'est précis, le langage est toujours un outil pour interpréter le monde. Barthes faisait également une distinction intéressante entre écrivain et écrivain. Pour lui, un écrivain, ça pouvait par exemple être un journaliste, un écrivain, c'est une personne qui va utiliser le langage comme outil. Un écrivain, c'est une personne qui va utiliser le langage comme une technique artistique. Lui faisait ces deux distinctions. Donc on peut ajouter également ça au niveau de paragraphe sur Barthes. Donc distinction entre d'une part écrivain et écrivain. Avec Genette, on a une autre distinction fiction et diction. Vous avez peut-être vu cet ouvrage de Genève, fiction et diction. Qu'entend-on par fiction? La fiction, c'est un texte. La fiction sous-entend qu'un texte est littéraire, soit pour ses qualités formelles, soit parce qu'il relève de l'imagination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un texte qui est par exemple un roman, ou bien qui est un poème, ou bien qui est une épopée, c'est toujours littéraire. Parce que ça appartient à une catégorie littéraire, et en plus, ça comporte des éléments esthétiques. Dans la catégorie diction, c'est plutôt là qu'on se trouve avec le journalisme narratif, un texte de non-fiction, il peut être littéraire, mais pas nécessairement, mais ça implique un jugement esthétique. Donc voilà une distinction de nouveau intéressante, fiction et diction. Pour juste quelque chose de théorique, on vous mettra une sur l'autre, parce que je peux vous aider aussi à interpréter certains textes dont les analyses que vous devez faire par la suite. Alors, il joue quelques petites références américaines, puisque le journalisme narratif se développe énormément aux États-Unis. Notamment, je mentionne True Stories. Norman Sims, c'est vraiment une figure emblématique du journalisme narratif aux États-Unis, en tout cas comme théoricien. Et c'est lui qui a vraiment. Oui, donc on va terminer. Selon lui, la vérité, elle émerge grâce au temps consacré à l'enquête, aux sources et au style. Donc il a beaucoup d'importance à la voix du journaliste. Donc quand vous développez un style, une voix particulière, les gens vont faire confiance et vont vraiment croire tout ce que vous disiez parce que vous avez une autorité. Ils apprécient votre style. Donc quand vous trouvez votre voix, c'est une manière aussi de convaincre les gens. C'est un accès à la vérité. Mark Kramer est un autre théoricien américain qui lui a carrément énoncé des règles du futur pour le journaliste narratif, pour passer un certain temps avec ses sources, accorder beaucoup d'importance aux petits détails, donc le détail, c'est intéressant, la vérité dans le détail des détails, en observant comment les gens vivent les petits détails de leur vie, c'est là-dedans que se trouve la vérité. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il y a un peu plus.